Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission Hellbangle, rendez-vous métal du dimanche soir sur les ondes de Radio Béton, les ondes du 93.6. On est ensemble pour une nouvelle émission en direct que l'on a l'occasion de démarrer à 20h. On a bien sûr toujours une pensée à ce moment-là pour Alex et le Freaky Mix. Voilà, si vous vous attendiez à voir Alex et le Freaky, bah restez quand même, hein, soyez pas trop déçus. On va quand même passer de très bonnes choses. Full of Hell, Party Cannon, le Benja Feedback, etc. Ça fait partie des nouveautés qu'on aura dans l'émission de ce soir. Et l'émission que l'on va démarrer tout de suite maintenant avec Deicide, les vétérans du Brutal Death américain qui nous sortent un nouvel effort studio, Banished by Sin. Deicide, quand ils sortent un album, c'est toujours « Ah cool, tiens, Deicide sort un album ». Ce sera pas mauvais, ce sera pas excellent non plus, hein. Je pense qu'ils ne sont plus en mesure de sortir d'excellents albums depuis Till the West Doth Part, qui remonte quand même à 2008. Ouais, ça fait presque 15 ans que Deicide n'a pas sorti un album extraordinaire. Pour moi, le meilleur, hein, la bascule, c'était The Stench of Redemption. Enfin, il y a clairement trois ères Deicide. La première avec les frères Hoffman. La seconde, avec tout simplement l'arrivée de Ralph Santola, notamment sur l'album donc, The Stench of Redemption, et suite au décès de Ralph Santola, de gratteux, alors qu'il a recruté, je crois, dans l'autre groupe de Steve Sheim, Order of Inid, Kevin Quayron et Terror Nordberg, enfin voilà, qui sont des seconds couteaux, hein, bons musiciens, mais seconds couteaux pour Deicide cependant. Donc voilà, Deicide continue à sortir des albums, ils sont bien passés au travers de la vague des IA, parce que leur pochette d'album, ils ont pris une petite shitstorm, mais en mode Glenn Benton, et alors frère, tu vas faire quoi ? Voilà, ils nous sortent donc ce nouvel effort studio, ça tabasse toujours autant, Steve Sheim est toujours aussi monstrueux derrière son kit de batterie, Benton n'a absolument rien perdu de sa voix, c'est brutal, c'est radical, même si ça rénove rien du tout. Vulture, ensuite, très très très bon groupe de revival speed trash qui nous vient d'Allemagne. Quatrième effort studio Sentinels, ça défonce ce nouvel effort studio de Vulture, une sortie Metal Blade. On s'écoutera le titre Faceless de Deicide, Vulture Death Row, et Vulture on les a vus l'année dernière sur la scène du Anthem of Steel, et du coup dans l'émission de ce soir on aura l'occasion d'avoir des focus et un petit report du Anthem of Steel de cette année qui a eu lieu ce week-end. C'est parti, bienvenue dans l'émission. Oh God! Move on! bonne petite doublette d'ouverture, tempo plutôt soutenu. On enchaîne avec Iron Fire, groupe américain qui nous sort là son nouvel effort studio, Cometh the Sun. Iron Fire, c'est un groupe dont on a diffusé déjà pas mal d'albums. Hein. On est sur du gros métissage Doomstoner Sludge, qui va tourner autour de l'occulte, de la mythologie, forcément de la drogue et un petit peu de Lovecraftien. Iron Fire, ça fait un moment qu'ils n'ont pas sorti de véritable bon album. Est-ce que celui-là va me faire mentir ? À vous de vous faire votre propre opinion, j'ai envie de dire. Moi, je suis pas forcément plus séduit que ça. Cometh the Storm, donc, on s'écouterait le morceau Toth Guy. Party Cannon, ensuite le groupe de Brutal Slam Death qui nous vient d'Angleterre, d'Écosse plus précisément, qui ne cesse de grimper en puissance et de séduire. Troisième effort studio, Injuries Are Inevitable. On est sur une attitude scénique ultra débile, mais c'est extrêmement bien maîtrisé musicalement. La pochette d'album est absolument incroyable. Enfin, les yeux ne sont pas assez d'être deux pour voir tout ce qui s'y passe. Et voilà, sur scène, c'est vraiment la grosse bagarre. Gros plaisir, j'espère prochainement les avoir en France. Unique Leader, c'est leur écurie. On s'écoutera le titre Weird But Not Illegal. C'est tout dit. Ladies, I'm gonna be honest with you. I'm not drunk enough to know if this is good weird or bad weird. But I'll get there though. Voilà, c'était donc la seconde doublette de l'émission d'aujourd'hui que l'on a clôturée avec Partie Canon. 20h23 à la pendule de Radio Béton. C'est l'heure de retrouver l'ami Thibaut pour le premier focus de l'émission de ce soir. Et je ne dis pas quel style musical est pratiqué par le groupe en focus. C'est du black metal. Bonsoir à toutes et à tous. Le groupe Sepst, déjà ça devrait être illégal d'avoir 4 consonnes d'affilée dans un nom de groupe. Voilà, donc je vais galérer à prononcer, je m'en excuse déjà. Pour commencer ce focus. Ah, un groupe... pas que ça va galérer. Hein. Oui, bah, on est fatigué, on a passé un bon week-end, mais on est fatigué. Un groupe qui nous vient du Venezuela à l'origine, puis qui a migré au Chili ensuite. Ils se sont formés en 2010. À l'origine, c'est un duo donc, composé des... Alors, les pseudonymes, c'est N, et donc la lettre N et Frozen. Frozen qui a quitté le groupe en 2016, donc avant le premier album. N, c'est un membre, alors c'est un gars assez actif, hein, on le retrouve notamment dans le line-up à la guitare de Animus Mortis. C'est un très bon projet de black metal chilien. C'est ultra frontal, un style un petit peu revival dans le style de The Negation ou Asyard pour citer des groupes français dans cette veine-là. C'est vraiment chouette, je vous recommande d'aller écouter parce que ça a l'air d'être très très cool. Et donc là, Sepst, ils sortent leur troisième album. Leur tout premier album en 2017 qui était éponyme. Il y avait déjà des bases ultra solides, c'était bien froid, bien direct, avec une approche de ce qui se fait dans le centre et dans l'ouest de l'Europe. Vraiment, on n'est pas du tout sur, sur quelque chose de old school, au contraire. C'est pas non plus de l'avant-garde, mais il y a beaucoup, beaucoup de similitudes avec des groupes, notamment comme Mgwa. Pour cet album-là, je retrouve beaucoup de textures qu'il y avait dans les albums avant Exercises in Futility. Donc, toute cette période de Mgwa où c'était un peu moins moderne, avec quelque chose qui était plus frontal, plus froid. Et donc, ce tout premier album de 2017, il rejoint un petit peu cette vague-là. Et donc, il arrive, on va dire, entre 5 et 10 ans après les premiers groupes européens qui ont tapé dans ce style-là. Donc, voilà, un très bon album, allez l'écouter, il est vraiment cool. En 2020, ils sortent Reletos de Angustia. Je crois que c'est ça. Je n'ai pas compris. Saurais-tu répéter? Non. Je crois que c'est ça, j'ai une erreur dans mes notes, je pense. Relatos de Angustia. De Angustia, ok, c'est bien ça. Une prod, alors du coup, cet album-là, avec une prod et une approche beaucoup plus moderne, ça s'enrichit un peu, mais je trouve que ça perd de cet aspect froid et frontal qu'il y avait dans le premier album, et sans complètement me convaincre dans quelque chose de plus moderne. Donc voilà, allez plutôt écouter le premier si vous cherchez quelque chose de plus old school, et ce nouvel album qui vient de sortir... là ce mois-ci, Despondici Chord Progression, si vous voulez quelque chose de plus moderne. Donc ça sort chez DB Mur, je crois que c'est la deuxième sortie, si je dis pas de bêtises, chez DB Mur, il y avait déjà la précédente. Et voilà, ils nous font un petit visuel assez réussi. C'est signé de la main de Fabio Ricones, avec un style assez... Alors il alterne un petit peu avec des styles très torturés dans l'ensemble, mais en fait, c'est lui qui a fait l'ensemble des pochettes du groupe, et on a des styles un peu abstraits, des styles en sculpture qu'il a fait sur l'album précédent. Et là, on a quelque chose d'un peu plus vieux, un peu plus frontal, on a le message qui est un petit peu plus clair sur cette pochette, et elle est très très réussie, et je trouve que c'est un artiste qui travaille très bien. Ouais, alors je regardais en même temps, c'est un madrilène hein, qui a signé très très peu d'artwork de groupes, hein. Bon, uniquement des groupes par contre sud-américains. Tout à fait. Et dans une veine black metal. Donc effectivement, ce nouvel artwork avec un nourrisson, on pourrait dire, un peu décharné, avec des branches qui font à moitié une araignée autour de... Ouais, ouais, puis presque un côté barbelé dans les branches. Ouais. Les trois artworks du groupe sont réussis, je trouve. Toujours quelque chose de très dérangeant, mais voilà, un artiste qui n'a pas fait beaucoup, beaucoup de pochettes très connues, mais qui travaille très bien. Voilà, et qui bah, du coup permet déjà d'avoir son identité visuelle bien marquée pour Selbst. Au niveau des albums, je regardais en même temps, les durées sont quasi identiques, hein, on est entre 40 et 43 minutes sur chacun des albums, avec des morceaux plutôt généreux, hein, aucun en dessous de 5 minutes, et qui avoisinent aisément les 10 minutes. Bon, là ouais. Pour le coup on est sur l'album où les titres les plus courts, parce que le plus long fait 8 minutes et quelques. Voilà. Au niveau du choix musical, parce que j'ai pas grand chose d'autre à rajouter en termes d'anecdotes ou d'enrichissement d'infos, au niveau du choix musical, le choix musical, le... Bah oui, toi, pourquoi, je sais pas, on va écouter un morceau peut-être. Ah oui, oui, bah on peut s'écouter déjà un premier morceau. Voilà. Tout à fait. Et bah on va commencer peut-être par le troisième morceau de l'album qui s'appelle Third World Reach the Nest. Je galère absolument sur les prononciations. Third World Wilderness. Wilderness. Un des morceaux les plus violents de l'album, il est extrêmement frontal, mais voilà, même si globalement c'est un projet, on y reviendra, qui s'écoute en entier, ce morceau-là je l'ai trouvé bien bien cool et particulièrement violent. Et il sera en doublette avec Chant of Self-Confrontation, mais ça on en reparlera après, c'est ça ? Après, on reparlera du morceau après. Très bien. clôture du focus consacré à Selbst, dont on vient de s'écouter un extrait du dernier album, avec petite parenthèse sur l'aspect musical, peut-être. Bah là, oui, on va aller un petit peu plus dans là-dedans, c'est-à-dire que là, bah, vous l'avez entendu, on est sur un black metal qui est particulièrement riche, je trouve, et très mélodique. On retrouve quelques petits, alors pas forcément dans le morceau qu'on vient d'écouter, mais dans d'autres morceaux, quelques petits arrangements qui sont un petit peu heavy dans l'approche, et ça allège un petit peu certains passages qui sont particulièrement massifs. C'est toujours très lancinant, très glaçant dans l'ambiance. Là, je trouve que cet album gagne en richesse et en complexité par rapport au précédent. Et ça le rend beaucoup moins monolithique, on l'a eu là dans le morceau, les espèces de ponts qui viennent donner un petit peu d'air, un petit peu de respiration avant de se faire reprendre à la gorge juste après. Mais voilà, beaucoup de choses qui reviennent, beaucoup de richesses qui sont apportées. D'un point de vue stylistique et thématique, on est sur un style qui est assez classique, hein, parce que beaucoup de speech anticléricaux, comme on peut avoir dans le black metal dans sa globalité, beaucoup de thèmes qui retournent autour de l'individualisme. On va faire un pont assez rapidement, hein, mais l'église de la veille ne semble pas bien loin dans cette approche, que ce soit l'approche anti-religieuse ou l'approche un petit peu individualiste dans ce déplat. Donc voilà, le satanisme laveillien est clairement présent dans leur travail. Au niveau du chant, on a majoritairement un chant screamé, hurlé, comme on a eu là, mais on a aussi des passages avec du chant clair qui reste malgré tout très torturé, très déchirant. Et au niveau des textes, on est sur des textes qui sont en grande partie en anglais, mais on va avoir ponctuellement quelques morceaux ou quelques phrases au sein des morceaux qui vont être en espagnol. Donc voilà, ça apporte encore quelque chose. C'est vrai que d'avoir du black metal chanté en espagnol, on n'a pas trop l'habitude d'en entendre. C'est ce que j'allais dire, parce que je regardais du coup sur chacun des albums, il y a au moins un titre chanté dans la langue d'origine de l'artiste. Et ouais, ça rajoute effectivement cette dimension qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Voilà, et au niveau du nom du groupe, alors j'ai cherché un petit peu, ça m'a l'air d'être un mot allemand, tout simplement. C'est quoi déjà le mot ? Selbst. Très bien. C'est bon ? Et donc c'est un mot allemand qui veut dire soi-même, et je pense que justement sur le thème de l'individualité, ouais, côté autarcique. Ouais. Donc je suppose que c'est que le titre, le nom du groupe vient de l'allemand, mais j'ai pas trouvé de source là-dessus, donc voilà. Oh, l'Amérique du Sud, l'Allemagne, tout ça, c'est très lié. Hein. Allez, on passe à la suite. Chance of Self-Confrontation. Ouais, c'est un morceau qu'on rediffuse en fait, parce qu'on l'a déjà diffusé il y a une semaine ou deux, et je l'ai trouvé vraiment excellent, donc je voulais le rediffuser parce qu'il est vraiment énorme. Histoire de finir d'illustrer le focus consacré à Selbst, le premier dans l'émission de ce soir, c'est parti. We'll be right back. On continue la diff de l'émission de ce soir avec la doublette suivante, avec une doublette américaine, une doublette plutôt colère, et dans cette doublette, il y aura une nouveauté. On a tout d'abord Brat, groupe qui nous vient de la Nouvelle-Orléans, qui nous sort un premier véritable album intitulé Social Grace. Brat, un quatuor tout récent, hein, formé en 2020. On est sur du grindcore, death, power violence et hardcore. C'est ultra efficace, c'est Nana qui tient le micro et c'est très vindicatif dans les textes, dans l'approche musicale, et très déroutant au niveau de la partie scénique. Franchement, allez diguer un peu sur YouTube, Brat, il y a eu une grosse hype autour de ce groupe il y a quelques mois. J'ai bien laissé passer ça, que ça retombe avant de m'intéresser au groupe, et c'est parfaitement parfait, c'est vraiment dans la vibe du film Barbie. Ils se décrivent même comme de la bimbo violence. Voilà, prenez le temps d'écouter, de découvrir l'univers de Brat. Voilà, on s'écoutera le morceau Sugar Bastard. Et en doublette avec Brat, autre formation américaine violente, Full of Hell, qui nous sort son nouvel effort studio, Coagulated Bliss. C'est le sixième effort studio de la formation qui nous vient du Maryland. Full of Hell, on est toujours sur cette espèce de grindcore, hardcore, death, power violence 6 ans. Pareil, c'est extrêmement radical. La pochette est assez déroutante également. 12 titres pour 25 minutes de tendresse. On s'écoutera le morceau en doublette Half-Life of Changeling, enchaîné à Doors to Mental Agony. Et c'est tout ça, c'est dispo chez Close Casket Activities. C'est parti. Voilà, encore une énorme dose de bagarre, ce Full of Hell. On attaque tout de suite 20h50 la SP française avec Sorcerer en ouverture. Sorcerer qui nous sort son premier excellent album studio intitulé Dévotion, une sortie chez Deliverance Records et Frozen Records. 8 titres, 30 minutes, d'un hardcore hyper varié, hyper riche et mortellement efficace toujours sur scène. Voilà, c'est déjà dispo, écoutez-le, procurez-vous-le surtout. Fractal Gates en doublette avec Sorcerer, One With End, c'est le nom de leur... One With Dawn, pardon. C'est le nom de leur quatrième effort studio. Fractal Gates, ça nous vient de région parisienne, active depuis une bonne quinzaine d'années. On est sur du Melodeath, de forte inspiration scandinave, forcément, hein. Insomnium, Omnigatorum en tête. C'est soigné, c'est bien fait, c'est français, on s'écoutera le morceau Severance et juste avant ça Sorcerer, le titre The Bell Jar, c'est parti. Yeah! 20h58 à la pendule de Radio Béton. On est dans l'aspect française et c'est le moment d'ouvrir le petit report du Anthem of Steel, festival qui a lieu à Chauvigny depuis 6 éditions maintenant. Et nous y étions hier et avant-hier pour la deuxième fois nous concernant. Ouais. Ah bah, n'hésitez pas à réagir. Vous y étiez aussi. Oui, jusque-là, oui, on était là. On est raccord. Donc, un jeudi, vendredi, samedi. Le jeudi est gratuit sous forme de warm-up avec trois groupes, donc ça, on n'y était pas. Par contre, on a fait le vendredi, samedi. Il y a eu un up au niveau du tarif d'entrée, mais il y a eu aussi un sacré up au niveau de l'affiche. Mais ils avaient leur première grosse tête d'affiche légendaire hier soir, avec Destruction, hein, 40 ans de carrière, et on ne va pas en parler maintenant parce qu'on garde ça pour la fin, mais qui a fait un concert absolument énorme, hein, à la hauteur du statut du groupe. Donc nous, on a commencé sur le coup des 15h avec Swamp Lords. Bon, on va pas trop s'attarder sur ce groupe qui faisait du Doom. C'est pas forcément celui qu'on préfère. Ouais, Doom un peu sludge, un peu pas hyper marquant. Donc voilà, on est vite passé à autre chose. On est monté en régime avec Zolder Noise. Groupe qui fait un espèce de trash punk déglingué depuis une paire d'années maintenant. Il doit avoir pas loin de 30 ans d'existence. Ouais, ouais, c'est hyper underground. Enfin, y a rien sur les réseaux. Voilà, c'est un power trio cradingue et violent. Sympa, mais un peu longué sur la durée. Ensuite, on a eu alors un groupe totalement différent parce que tout récent qui faisait, je crois, son premier concert, Dunwich Ritual, qui nous vient de région parisienne, qui nous fait un heavy speed Lovecraftien qu'on a diffusé en début d'année, qu'on a beaucoup apprécié. Et bah, sur scène, ça s'est déjà confirmé. Ils ont joué pas très longtemps, malheureusement. Et on aurait bien repris 10-15 minutes de plus de leur recette. Très très bien. Moi, clairement, c'est dans mon top 3 des concerts du week-end. Et c'est aussi ma plus grosse déception liée à la durée très brève de leur set. Où effectivement, j'aurais bien apprécié 2-3 morceaux en plus. Pas hyper maîtrisé dans l'attitude et l'aisance scénique. Hein. Forcément, quand c'est son premier concert, c'est toujours délicat d'être hyper raccord, hyper à l'aise, etc. Mais chacun des musiciens a un énorme potentiel à continuer à développer sur scène. Moi, la chanteuse, je l'ai trouvée époustouflante dans son panel vocal. Et chacun des icônes, c'est juste super bon. Ouais, bah globalement, je rejoins complètement ce que vous avez dit. Hein. Là où sur Zolder Noise, on aurait bien pris 15 minutes en moins, on les aurait largement pris sur Dunwich Ritual. Comme tu dis, la chanteuse bluffante sur sa palette vocale, peut-être encore à améliorer certaines envolées, certains hurlements type heavy qui manquaient un petit peu de patate de temps en temps. Mais c'est bien là tout ce qu'on peut lui reprocher, parce qu'à côté de ça, elle offre une diversité dans ce qu'elle faisait, c'était assez bluffant. Et tous les autres Zikos qui suivaient derrière, c'était vraiment chouette. Et ouais, comme tu dis, ça va avec, mais de l'aisance scénique qui manquait encore un petit peu dans le groupe. Mais bon, on a appris après coup que c'était leur premier concert, et franchement, pour un premier concert, du coup, c'était complètement louable comme prestation. Le groupe n'a absolument pas démérité, à revoir dans un an ou deux avec quelques concerts de plus au compteur. D'ailleurs, on va s'en écouter un petit extrait dans pas longtemps pour illustrer ce petit report. On a eu ensuite un autre groupe de vétérans, Witches, qui doit avoisiner les 40 ans de carrière. Hein. C'est impressionnant. Sur scène, c'est toujours aussi efficace. Hein, y a, que ce soit des morceaux qui ont plus de 30 ans, comme des morceaux récents, c'est toujours ce thrash death bien efficace, avec une chanteuse pareille hein, qui n'a plus rien à prouver, qui a encore une patate incroyable. Ouais, puis qui a toujours la pertinence de te rappeler que certains morceaux qu'elle joue, toi, tu étais encore en train de jouer avec ton caca, voire pas là, pour pouvoir les entendre. Des morceaux qui datent de 88, 86, des fois, tu fais ouais, c'est impressionnant. Et surtout, la patate que ça a sur scène. Les Icos qui l'accompagnent, ils font un taf de ouf également. Rien à dire, encore une fois, Witches, troisième fois, je crois, ou quatrième fois que j'arrive à les voir. Et toujours un pur plaisir sur scène, c'est vraiment, vraiment la dose. Ça fait clairement partie de ces groupes old school sous-côté, et je préfère faire 10 concerts de Witches qu'un seul concert de Aggressor ou Loudblast. Anecdote, hein, sur le professionnalisme des Icos, là on parlait de leur efficacité, mais le professionnalisme aussi. Son guitariste qui a eu des galères techniques, donc on l'a vu disparaître de scène à plusieurs reprises, histoire de régler son problème. Et puis à un moment, on le voit réapparaître, il tape son solo, et il repart, enfin, en courant, hyper dynamique, avec somme toute le sourire. Et voilà, ça, ça fait quand même passer ces situations bah, pas forcément très agréables pour les Icos quand ils ont des galères du genre. Mais enfin, nous, en tant que public, c'était super appréciable à suivre. Ouais, et puis je rejoins ce que tu dis avec le sourire. Prestation qu'on avait pu voir au Canadian Café il y a quelques temps sur Tour. C'est pareil, quoi. Un show qui est fait avec le smile, tu les sens vraiment toujours heureux d'être là, heureux de partager la scène. Malgré justement ces 40 années de carrière, ils ne sont pas fatigués. En tout cas, la chanteuse en particulier n'est pas du tout lessivée d'être sur scène. Au contraire, tu sens que c'est sa place et qu'elle kiffe être là, quoi. C'est toujours, toujours un plaisir, Witches. On va faire une petite pause peut-être, se mettre un petit morceau avant de finir le report de la tout journée. Tout à fait. On va s'écouter tout simplement le morceau Dunwich Ritual, donc le titre éponyme du groupe. Eh ben, c'est parti! Voilà donc Dunwich Ritual pour illustrer ce premier jour du Anthem of Steel. Et un des meilleurs morceaux sur scène et en termes de voix, d'ambiance, en fermant les yeux, pour moi j'étais devant un concert de Coven et extra, vraiment. Retour ensuite à un groupe un peu plus jeune que Witches avec Venefiction, groupe de Death, Black Death qui nous vient de Bretagne et qui nous a fait un concert que j'ai trouvé très carré. C'est aussi bien en termes d'interprétation que la qualité du son. C'était vraiment une petite boucherie très sympathique. Le groupe doit avoir une dizaine d'années d'existence et il montre déjà un savoir-faire un petit peu dans la veine d'un Necroretch, par exemple. On a des bons groupes comme ça en France et Venefiction, c'est le haut du panier dans ce style-là. Ouais, clairement, avec ce côté, peut-être même encore plus que pour Necrovretch, un côté vraiment evil qui se dégageait des compositions et tout. Super, comme tu le dis, super carré sur scène. Et puis, ça dépotait de ouf vraiment au niveau des icos et tout. C'était très, très plaisant. Et ça tenait la scène. C'est surtout ça. On commençait à rentrer dans la. Après Witches, déjà, qui avait bien prouvé qu'il maîtrisait la scène, évidemment. Mais là, on commençait à rentrer dans la période de la journée où on avait que des groupes qui. C'est des pros. Ils étaient sur scène et Venefiction clairement en faisait partie. Et ça a beau être des Bretons, moi dans l'attitude, ils m'ont un peu fait penser à Butcher, peut-être lié au maquillage, peut-être lié à la forme longiligne du chanteur, et dans l'attitude globale. Et ouais, un très bon moment ce concert de Venefiction. On a eu ensuite la sous-tête d'affiche Cruel Force, qui nous venait d'Allemagne, et qui nous a fait, pareil, un concert très carré, un quatuor qui nous fait... On pourrait penser que c'est du trou trash speed années 80, bas du front et répétitif. Et effectivement, parfois, c'était un petit peu redondant, mais quand même des grosses influences heavy metal. Une recette assez riche avec un guitariste que j'ai trouvé quand même assez brillant et avec une facilité de jeu impressionnante. Et puis, des musiciens très charismatiques et complètement au point dans leur set. Moi, j'ai été clairement bluffé par la richesse des compositions globalement. Pour du trash, moi du trash, je suis très très vite lassé en général quand ça dépote pas justement un peu de heavy, un peu de speed par dessus. Et là justement, j'en ai eu quand même pour mon argent, on va dire dans ce qu'ils proposaient. Et clairement, je me suis pas ennuyé. C'est vrai que arrivé au bout de 40 minutes, on se dit bon, c'est bon, et on va passer à autre chose. Mais il n'empêche que c'était très bien fait et très bien exécuté. Puis accompagné par un staff aux petits oignons autour. Donc voilà, on a eu les premiers décors de scène, le mur de cab Marshall, la grosse machine à azote qu'il fallait remplir toutes les 30 secondes. C'était sympa. Ouais, carrément. Et puis la tête d'affiche de ce vendredi soir, Abysmal Griff, groupe de occult doom italien qui, pareil, accuse pas mal d'années d'existence, qui avait une mise en scène déjà qui marque un petit peu à voir ça quand on a débarqué dans la salle. Mise en scène à la King Diamond avec des grosses croix, pas inversées mais des grosses croix, beaucoup de chandeliers, des torches et le putain d'encens de merde. J'en crache encore mes poumons aujourd'hui, hein, l'encens sur scène, clairement, c'était un peu too much. En salle, c'est non. Ouais, clairement, c'était un peu too much. De toute façon, globalement, c'était un peu too much. Hein, moi, oui. Moi, bon, en ce qui me concerne, ça a vraiment peiné à me convaincre. Surtout le chanteur, faut dire. Ouais, déjà en termes d'attitude, le musicalement, chanteur. Musicalement, c'était pas inintéressant, un doom assez gothique dans l'approche, mais musicalement, vocalement, trop linéaire. Ouais. Et, ouais. Alors qu'il avait tout pour justement emmener vraiment le public, il était un peu à la sauce Ghost, hein. Il chante derrière un pupitre, une belle mise en scène, bien soignée. Et en fait, énorme répétitivité dans les morceaux. Alors on va dire, ouais, bah, c'est normal, c'est du doom, machin. Mais hyper répétitif et encore plus, effectivement, sur les lignes vocales et des putains de longueurs. Alors on dit, oui, encore une fois, c'est normal, c'est des longueurs, c'est du doom. Mais non, en fait, juste du copier-coller en fait, d'un truc à un autre. Et c'est pas juste une répétitivité hypnotique et donc intéressante, c'était juste répétitif et assez déçu. Parce que moi, de ce que j'en avais écouté de Abysmal Griff, bah, c'était pas ça. Ouais. Même si on pourra noter une bonne note quand même pour le morceau final qui s'appelle Alarme incendie. Et voilà. Un peu trop chargé en petit effet, effectivement, de fumée. Mais voilà, donc Abysmal Griff nous permettait quand même de clôturer une première journée du Anthem of Steel 2024. Enfin, deuxième journée en comptant le warm-up. Plutôt réussi. Ouais. Et je propose d'écouter un petit morceau de Cruel Force. Alors, c'est le titre Across the Styx. Qui est un morceau un petit peu long, mais avec les grosses influences Iron Maiden. Qui joue plutôt en fin de set, d'ailleurs. Oui, qui était un morceau plutôt efficace en termes de réactivité du public. Ouais, un morceau assez marquant et vraiment très très chouette de Cruel Force. C'est parti!